dans notre ballon dirigeable, nous laisserons nous balancer par ce rien de déraisonnable, au vent si doux, au vent léger. En dessous de nous, des villages, des mosaïques de prairies, un clocher, charmant équipage, tout semble beau à l'infini. Ils ont filé tous les nuages de notre passé qui s'enfuit. Je t'ai choisi, bel abordage pour nous. C'était déjà écrit dans notre ballon dirigeable à nous aimer toujours ainsi. Oh mon amour, mon doux passage au cœur de ma ligne de vie. Au fil du vent, notre nacelle vacille lentement sur les prés. Sauras-tu que je t'ensorcelle, à moins que tu m'aies ensorcelé. En dessous de nous, des rivières, des routes, des villes et des ponts. La vie en somme, sur cette terre, je ne savais pas que c'était si bon. De vivre entre ciel et montagne, avec toi, mon beau compagnon. Le bel azur, la tramontane, des estes de vie en coton. Dans notre ballon dirigeable, à nous aimer toujours ainsi. Oh mon amour, mon doux passage au cœur de ma ligne de vie. Le voilà, notre dirigeable, porté par des nuits sur le pont. Nous apprendrons le négligeable et tous les points de suspension. En dessous de nous, des fantômes, des pointillés, des points de vue, des regards croisés sur le monde, des plis dans ma géographie. Ne redescendons pas trop vite, entre tes bras, laisse-moi aller. Laisse-moi aller de rêve en rive, entre tes bras, laisse-moi rêver. Dans notre ballon dirigeable, à nous aimer toujours ainsi. Oh mon amour, mon doux passage au cœur de ma ligne de vie.